Radio Saint-Louis, c'est votre radio catholique de la Martinique. Écoutez-nous sur les 99.5, 101.3 et 105.1 FM, ainsi que sur internet www.radiosaintlouis.com. Radio Saint-Louis, c'est votre radio catholique de la Martinique. C'est votre radio catholique de la Martinique. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et le Verbe en elle s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos âmes. Afin qu'ayant connu par le message de l'ange le mystère de l'incarnation de ton Fils bien-aimé, nous soyons conduits par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par ce même Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Magnifica anima mea Domino. Respexit humilitatem mansile sue, ex enim ex hoc beata medis in omnes generationes. Misericordiae suae.